Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission Mosaïque. Au programme ce soir, les privatisations. Hein, par exemple, le Parlement. Le Parlement qui flingue tout ce qui va pas, paraît-il. Enfin, c'est le média. Le média. Hein, le média, une télévision privée, libre, comme Radio Guémozo, qui est une radio libre. Eh bien, le média, c'est une télévision libre. Alors, une chanson de Raoul Godvarsveld, Un affondé, une société. Bon, vous verrez, c'est rigolo. C'est du patois flamand, hein. Oui. Mais qu'on comprend quand même, hein, parce que, bon. Le média, le CETA, a adopté, la Macronie se fout de tout le monde. Jean-Yann, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Nucléaire en France, c'est Arte. La troisième partie de ce reportage sur le nucléaire en France. C'est encore un sujet où on voit que les gouvernants se sont payés notre tête pendant des générations. Hein. Mais de plus en plus, dernièrement, pire que dans le passé encore. Hein. Alors, évidemment, la chanson de Léo Ferré s'impose. Hein. Ils ont voté, et puis après. Eh ben oui, certains d'entre vous ont voté très mal même. Maintenant, il ne reste plus qu'à pleurer ou à se mettre en colère. Bon, ce serait peut-être la deuxième option qui serait la meilleure. Hein, ben oui, agir, réagir pour que les choses cessent, ce qui va mal cesse et que les choses s'améliorent. Popek nous parlera du bout de Boulogne. Popek. Hein, ouais, bah oui, il est bien comique, Popek. C'est vrai qu'il est très observateur. Ah oui, les comiques savent observer tous nos petits défauts et nous les balancer à la figure. Ça nous réveille, ça nous fait réfléchir. Ensuite, l'impôt sur la fortune, les riches et les pauvres. Hein. Un peu de musique classique. Le premier de cordée. Premier de cordée, vous vous rappelez, qui a parlé du premier de cordée, hein? Ben oui, il se fout bien de nous, et ouvertement, lui, hein. Ah oui, il prend plaisir à nous narguer. Et puis, ensuite, il sera question sur le même sujet de Raymond Barre. Vous vous rappelez de Raymond Barre, le premier ministre qui, ancien ministre des Finances, qui était très fort sur la moralisation de la politique, etc. Il était très fort sur la morale. Et puis, on a découvert, il n'y a pas tellement longtemps, hein, on le savait, certains le savaient sans doute à l'époque, eh ben, qu'il avait un compte en Suisse où il avait de l'argent, qui avait, bon, voilà, hein. Oui, ils sont bien, ces gens-là. Ils sont bien. Eh oui, on vote pour eux, et puis, enfin, lui, Barre, je sais pas si on avait voté pour lui, hein, il a été comme ça, il a été nommé, bon. Ensuite, le corbeau et le renard, une fable de La Fontaine, mais racontée en patois normand. Hein. Mais n'ayez crainte, on comprend assez facilement. De Rugy, Mediapart. Alors là, Mediapart nous parle de Rugy, mais alors de la bonne manière. Hein, c'est comme ça, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Raoul de Godvarsveld, quand les cigares, etc. Une chanson qui est déjà connue, qui est déjà passée à plusieurs reprises sur les antennes de RGM, hein, notamment dans les émissions Mosaïque ou Calendrier des esclavages et des libérations, bien sûr. Une revue de presse, une petite revue de presse. Georges Brassens nous chantera La mauvaise réputation. Hein, ouais. Et puis, il sera question ensuite du génocide Tutsi. Vu par la France et montrant ce que la France a fait ou n'a pas fait pour mettre fin à ce génocide. Voilà. Et puis on terminera en chanson avec l'indicatif de la première émission de Radio Guémozo et de Radio Trait d'Union avant. C'était le chiffon rouge. Voilà. Bonne soirée à tous et bonne nuit ensuite. Un référendum pour empêcher la privatisation d'ADP. La Française des Jeux qui prépare avec soin sa privatisation et la déconfiture du gouvernement et du Premier ministre à l'issue d'un grand débat qui n'abuse plus personne. On en parle tout de suite dans le numéro 28 du Petit Coup de Bourbon. « Ce qui vient de se passer est historique pour bloquer les privatisations de la Française des Jeux et d'ADP. 248 députés et sénateurs de gauche et de droite ont enclenché mardi la procédure dite du référendum d'initiative partagée. Socialistes, communistes, France insoumise, centristes et LR se sont ainsi retrouvés autour d'une même proposition de loi référendaire. Prévu par l'article 11 de la Constitution, ce dispositif du référendum d'initiative partagée n'a jamais été utilisé. Et pour cause, il est extrêmement contraignant. Introduit en 2008 par Nicolas Sarkozy, il exige la réunion de deux conditions. Les signatures d'au moins 185 parlementaires et celles de 10% du corps électoral, soit 4,7 millions de Français en âge de voter. Personne n'aurait parié la semaine dernière que nous aurions 248 signatures, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus que les 185 qui sont requises. Donc on est déterminés. Là, il y a une étape qui est franchie. Le Conseil constitutionnel a un mois pour dire si oui ou non le sujet que nous proposons pour le référendum est conforme à la liste des sujets qui peuvent faire l'objet d'un référendum. Et puis ensuite, il y a un site internet qui sera mis en ligne par le ministère de l'Intérieur. Enfin, en tout cas, j'espère que la procédure va se poursuivre. Et là, les Français auront 9 mois pour dire si oui ou non ils veulent pouvoir se prononcer sur l'avenir d'Aéroports de Paris. La partie n'est pas encore gagnée, mais sur le papier, elle peut aboutir. Vous avez remarqué que les forces qui étaient autour aujourd'hui devant vous représentent quand même plusieurs millions d'électeurs. Nous, c'est 7 millions quand même. Les Républicains, le Parti Socialiste, enfin, additionnés. Il serait étonnant que nous n'arrivions pas à trouver ces signatures, d'autant plus que je suis certain que, de manière très majoritaire, les Français sont opposés à cette privatisation de quelque chose qui a été construit par l'État, voulu par l'État, payé par les citoyens. Si les clivages politiques ont ainsi volé en éclats, c'est parce que la ficelle du gouvernement est un peu grosse. C'est une faute économique, une faute stratégique et une faute financière. C'est une manne considérable et on nous explique que cette privatisation va servir à payer, à financer un fonds d'innovation et de rupture. Mais on se fiche de qui ? C'est un sujet qui déborde tous les camps, pour des raisons peut-être parfois diverses. Il y a ceux qui sont peut-être plus sensibles au non-sens économique, d'autres au non-sens budgétaire, nous, d'autres au sujet de la souveraineté. Et qu'on a longtemps réclamé lors du débat sur les Gilets jaunes que le peuple français soit associé à des grandes décisions. Ça n'est pas une décision anodine. Et donc l'idée de réactiver ce référendum d'initiative partagée, je pense que c'est une bonne idée. Cette attitude du groupe LR a provoqué une véritable explosion de colère de la part de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Cela a dû vous faire bizarre, mesdames et messieurs les Républicains, de vous retrouver sur la même estrade que les communistes et les socialistes pour vous opposer à la privatisation d'ADP. Vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus où est le Nord, où est le Sud, où est l'Est, où est l'Ouest. La cohérence est de notre côté, le courage est de notre côté. Merci, monsieur le ministre. Les Français vous en seront reconnaissants. Merci, monsieur. Que la procédure pour un référendum aboutisse ou non, ce front commun de l'opposition sur les privatisations est un revers cinglant pour l'exécutif, d'autant qu'il ne s'y attendait pas du tout. C'est sans doute l'effet différé de ce qui se passe dans le pays, du fait que beaucoup de gens veulent être consultés, n'acceptent pas que des décisions aussi importantes que la privatisation de certains secteurs stratégiques soient prises sans qu'ils soient consultés. Et je reprends votre formule, il y a un effet gilet jaune sans doute dans cette réunion de différents députés pour dire là-dessus, le peuple doit être consulté. Si le gouvernement croyait en avoir fini avec la contestation, il se trompe, le véritable grand débat commence. Et celui-ci n'aura rien d'une discussion de salon. C'est la Française des Jeux qui nous l'apprend dans un communiqué. À la veille de sa privatisation, la société vient de recruter une nouvelle directrice de la communication. Il s'agit de Raphaëlle Rabatel, une professionnelle reconnue. Celle-ci sera membre du comité de direction générale du groupe FDJ. Et alors, me direz-vous ? Alors rien. Ah si, un détail. À la ville, Raphaëlle Rabatel n'est autre que l'épouse de Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche, qui défend bec et ongle la privatisation de la Française des Jeux. Le monde est petit. Très petit. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe tirait les conclusions du grand débat devant les députés. Sur beaucoup d'autres points, ces exigences rejoignent des transformations que nous avons engagées, des choix que nous avons faits. Baisser les impôts, rénover notre vie démocratique, engager la transition écologique, construire des réponses adaptées au territoire, tout cela rejoint les engagements de campagne du président de la République, tout cela rejoint la feuille de route de ce gouvernement, tout cela rejoint les chantiers qui se déploient depuis presque 2 ans. Ce que nous disent les Français, c'est qu'ils ne voient pas assez les résultats, que les choses ne bougent pas assez vite. C'est une puissante incitation à redoubler d'efforts. Vous avez bien entendu, loin de contester l'action du gouvernement, les Français réclameraient qu'il aille plus vite, voire plus loin dans ses réformes. On se demande bien pourquoi il fallait organiser un débat, pourquoi chaque samedi des milliers et des milliers de Français endossent un gilet jaune et s'en vont défiler malgré la répression policière. Pourquoi le pays est en panne ? À vrai dire, ce déni du réel n'est guère surprenant. Coup sur coup, deux médias viennent de révéler des tripatouillages qui entachent la sincérité du grand débat. Le Monde d'abord, qui a pointé une quantité impressionnante de copier-coller parmi les contributions. Et Les Jours, médias en ligne, qui nous apprend que seule la moitié de ces contributions a été traitée par les sociétés chargées d'en synthétiser le contenu. Oui, le grand débat est une manipulation gouvernementale, un bluff, un paravent. L'exécutif n'a rien à proposer. La montagne n'a même pas accouché d'une souris. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis le 17 novembre. Aucune annonce, aucune proposition, aucune mesure concrète, un discours qui se caractérise par un vide abyssal. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'adresse de l'école où on apprend ainsi à parler pour ne strictement rien dire ? Mais rien ! Finalement, il n'a entendu que ce qu'il voulait entendre dans ce grand débat. Donc moi, je pense que les désillusions, hélas, vont être au rendez-vous, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de Français qui ont sans doute pensé pouvoir s'exprimer au travers de ce grand débat. Je crois qu'ils n'ont pas été véritablement entendus. Les Français n'ont pas été entendus, c'est une évidence. À la tribune, François Ruffin a filé la métaphore. Monsieur le Premier ministre, je connais un bon otorino. Il a des dispos dans son agenda, il peut vous prendre un rendez-vous quand vous voulez. Parce que ça me paraît l'urgence, tant vous êtes sourd. Vous êtes sourd aux Français et vous êtes sourd, sans surprise, de l'oreille gauche. Cette absence de solution politique, cette fuite en avant, ne peut conduire qu'à l'escalade dans l'affrontement. On a attendu une demi-heure après un discours qui a fait le bruit d'un aspirateur éteint pour s'entendre dire que finalement tout cela rejoignait la feuille de route du gouvernement. Je crois que c'est vertigineux d'imaginer que dans un moment pareil, qui est une injonction à tout changer en profondeur, qu'il soit question de la justice sociale, fiscale, de l'urgence climatique, s'entendre dire que finalement, dorénavant, tout sera comme auparavant. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Le président de la République devrait bientôt s'exprimer. Saura-t-il trouver la sortie ? On en doute. À la pompée, où sont permis tous les jeunes gens de 18 à 60 ans, de 18 à 60 ans, celui d'avoir un gros biroute. Sur l'air du train, danser, voltiger les biroutes. Ah, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Quelle société, elle sera prospère. Quelle société, elle sera prospère. Elle sera prospère. Un acadra, un vieux drapeau, avec un birotin haut. Avec un birotin haut. Et elle dira qu'elle fait le biroute. Sur l'air du train, danser, voltiger les biroutes. Parce qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Parce qu'elle est heureuse d'avoir un tel biroute. Sous les roses. Quand le président il se mariera, quand le président il se mariera, on ira tous à son mariage avec une boîte de cirage. Avec une boîte de cirage, et un lien qui crasse biroute. Sur l'air du train, danser, voltiger les biroutes. Ah, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Président, il mourira. Quel président, il mourira. Un ira tous à Saint-Germain avec le spirou de la main. Avec le spirou de la main. Et à la prochaine, nos biroutes. Sur l'air du train, danser, voltiger les biroutes. Ah, quel est heureux, quel est heureux, quel est heureux. Sous les roses. guerre, elle éclatera. Et quand la guerre, elle éclatera. On ira tous à la frontière avec eux, Spirou à l'air. Avec eux, Spirou à l'air. Sur l'air du train, c'est voltigerait les biroutes. Ah, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Ah, qu'elle est heureuse d'avoir un tel biroute. Ah, qu'elle est heureuse de pouvoir s'en servir avec un bec du bois. Et sous les roues. L'histoire vous jugera. Nous avons hérité du CETA. On est en pleine fable. Ça se joue à pas grand-chose. La majorité a mauvaise conscience. Ça n'est pas une fronde. Les entreprises, les politiques font semblant d'agir. Un gouvernement est souverain. Je me présente devant vous en homme blanchi. C'est pas les homards qui mangent, il est mangé avant. La visite en France de Greta Thunberg, le vote du CETA qui fracture la majorité présidentielle et le retour médiatique de François de Rugy. On en parle tout de suite dans le numéro 43 du Petit Coup de Bourbon. Il s'en est fallu de peu. 27 voix très exactement. Voilà ce qu'il a manqué aux députés hostiles au CETA pour que la France ne ratifie pas cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. 27 voix qui étaient à portée de la main. 52 députés de La République En Marche se sont en effet abstenus quand ils auraient pu voter contre, comme 9 de leurs collègues du même groupe qui en ont eu le courage. Voici le résultat du scrutin. Votants 553, exprimés 479, majorité 240 pour, 266 contre 213, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Oui, la majorité présidentielle a senti le vent du boulet. À vrai dire, elle s'attendait à bien pire. Écoutez attentivement cette confidence involontaire de la députée LAREM, Marie Lebec. Attention, c'est très rapide. C'est plutôt mieux que ce qu'on avait prévu. Le patron du groupe des marcheurs, Gilles Legendre, s'est empressé de jouer les pompiers. Ça n'est pas une fronde, en aucun cas. C'est des sensibilités ou des perceptions qui peuvent être différentes à l'image des Français. Du côté des opposants au CETA, on rageait d'avoir échoué si près du but. Cela veut dire que la majorité a mauvaise conscience. On ne peut pas inviter Greta le matin et voter le CETA le soir. Et moi, je suis impressionné par cette première fissure. Malheureusement, le CETA est voté, mais cela veut dire qu'on peut gagner la prochaine bataille, qui est celle du Mercosur. Ça se joue à pas grand-chose. C'est historique. Moi, je pensais que ce matin, l'intervention de Greta Thunberg, le fait qu'elle ait lieu précisément ce matin, aurait apporté quelque chose. Ça veut dire quoi? Que vraisemblablement, ce matin, beaucoup sont allés laver leur conscience en l'écoutant, en l'applaudissant, et en écoutant la parole des scientifiques qui leur disent précisément on ne peut pas remettre tout ça dans les mains du marché, du libre marché. Et eux font tout l'inverse. Bon, c'est parfois un peu désespérant, mais on va continuer le combat. 52 abstentions dans les rangs de l'AREM, soit les deux tiers des députés qui se sont abstenus. La présence, le matin même, dans les murs de l'Assemblée de la jeune Greta Thunberg n'est pas étrangère à cette émancipation des députés de la majorité. Cette militante suédoise du climat, âgée de 16 ans à peine, est mondialement connue pour être l'initiatrice de grèves étudiantes contre le réchauffement climatique. On s'est bousculé pour l'entendre. Certaines des envolées de l'adolescente ont pris une curieuse résonance en cette journée où l'Assemblée nationale était appelée à se prononcer sur le traité entre l'Union européenne et le Canada. Je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif. Le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait. Apart from clever accounting and sauf, PR. Évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication. Un double langage des politiques qui s'est manifesté dès la fin de la réunion. D'abord par la bouche d'Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. La question qui nous est posée, c'est comment construire un monde de demain avec une économie qui produit différemment, des échanges internationaux qui sont différents. Le CETA est aussi une tentative de mettre le climat et la biodiversité dans les accords commerciaux. Le CETA ramené à une tentative d'imposer la question du climat dans les accords commerciaux. Il fallait oser proférer cette énormité. Mais on l'a compris, Emmanuel Wargon, ancienne lobbyiste du groupe Danone, est rompu à la triangulation. Vous savez, cette technique qui consiste à reprendre les arguments de ses contradicteurs pour les retourner contre eux. Puis ce fut au tour de Brune Poirson, elle aussi secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Sur la question du CETA, nous avons hérité du CETA. Ça fait des années. Presque 8 ans maintenant que le CETA était discuté. Il a été discuté sous Nicolas Sarkozy, négocié sous François Hollande. Et aujourd'hui, nous en héritons. Nous en héritons. Et moi, à la demande de Nicolas Hulot, lorsqu'il était encore au gouvernement, eh bien, j'ai travaillé avec Jean-Baptiste Lemoyne. Nous avons travaillé sur un plan d'action de façon à aller au maximum et à renforcer les clauses environnementales et sanitaires du CETA. Cet argument du CETA, héritage des quinquennats passés, a fait bondir le député LR Philippe Gosselin, qui a voté contre le traité. Un gouvernement est souverain, un gouvernement a la capacité à renégocier s'il le souhaite. C'est vrai que ce n'est pas le président Macron ou la majorité actuelle qui a négocié, mais rien n'empêche, et on l'a vu sur d'autres sujets, le gouvernement pouvoir et vouloir remettre l'ouvrage sur le métier. On l'a vu dans d'autres parties. Donc justement, si le gouvernement cherche des arguments pour pouvoir renégocier, eh bien qu'il écoute la voix de la représentation nationale, qu'il laisse la majorité s'exprimer comme elle le souhaite, et il verra qu'il y aura une majorité contre ce traité, et donc à ce moment-là, les moyens de le renégocier. Quant au renforcement des clauses environnementales et sanitaires, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, y voit une jolie fable. Sur la question du veto climatique, on est en pleine fable. Il n'y a pas de veto climatique, il y a simplement une possibilité d'un comité mixte entre Canadiens et Français qui peut se réunir à titre consultatif. En séance, Mathilde Panot, sous les yeux de Greta Thunberg installée en tribune, a tenté une dernière fois de réveiller les consciences. Comment osez-vous applaudir les jeunes pour le climat et, sans même jour, voter cet accord de libre-échange avec le Canada ? La réalité est que nous ne sommes pas obligés de faire venir de l'autre bout du monde des marchandises dont nous n'avons pas besoin. Surtout pas des marchandises gavées de pesticides, de farine animale, d'antibiotiques et autres pétroles de schiste. Entendez que dans ce modèle où tous doivent consommer n'importe quoi pour l'accumulation de quelques-uns, se trouve la source de tous nos maux présents et à venir. Combien de temps allez-vous continuer à vous voiler la face et à duper les Français ? La seule écologie possible est l'écologie qui reprend le contrôle de l'économie. Entre le CETA et Greta, il faut choisir. Alors, chers collègues, choisissez maintenant. Les générations futures vous regardent. Et si vous votez pour le CETA, l'histoire vous jugera. Le CETA s'applique à titre provisoire depuis 2017, à l'exception des dispositions sur les tribunaux d'arbitrage, celles qui permettent aux multinationales de faire des procès aux États au nom de la libre concurrence. Après l'Assemblée, ce sera au tour du Sénat de se prononcer. On pourrait assister à la naissance d'un nouveau front commun entre la gauche et les Républicains, comme celui qui a présidé au lancement du référendum d'initiative partagée sur ADP. Mais comme le veulent nos institutions, l'Assemblée nationale conservera le dernier mot. Pour l'heure, 13 États sur les 28 que compte l'Union européenne ont déjà ratifié l'accord. Il faut insister sur ce point. Si un seul État ne ratifie pas le texte, le CETA devient caduc. Il ne s'applique plus. Justement, il se pourrait bien que l'Italie joue ce rôle de trublion. Tout espoir n'est donc pas perdu de bloquer le grand déménagement du monde. À peine parti et déjà de retour. François de Rugy était mardi soir l'invité du journal de 20h sur France 2. Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Je me présente devant vous et devant les Français qui nous regardent en honnête homme. Aujourd'hui, les rapports qui ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement, qui a confié cette mission à une haut fonctionnaire contrôleur général des armées, ou le rapport de l'Assemblée nationale confié au secrétaire général de la présidence, quelqu'un qui a été nommé avant que je sois président de l'Assemblée nationale et qui est resté en poste après. Eh bien, tout cela me blanchit. Blanchit. Sur le papier, a-t-on envie de dire. Certes, du côté de l'Assemblée, on a relevé 3 dîners litigieux. Dîners que l'ancien ministre de l'écologie s'est engagé à rembourser. Environ 6 000 €. Mais le choix des blanchisseurs appelle quelques remarques. Prenons les services de Matignon. Par définition, leur subordination au pouvoir est totale. Comment être certain que ce qu'ils rapportent est exempt de considérations politiques ? Du côté de l'Assemblée nationale, l'enquête a été menée par le secrétaire général de l'Assemblée et de la présidence, Michel Moreau. Il a été nommé par l'ancienne majorité socialiste en février 2016. Au quotidien, ce fonctionnaire travaillait en étroite relation avec François de Rugy. C'était sa mission. Autrement dit, on a demandé à un subordonné de juger le patron. Ce lien seul suffirait à disqualifier l'enquête. Mais passons. Et postulons que Michel Moreau a rempli sa mission avec la rigueur requise. Surgit alors un autre problème, sa perception du train de vie de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cet extrait du magazine Capital diffusé sur M6 en janvier 2018. Michel Moreau s'y exprimait sur son salaire, la seule interview qu'il ait jamais accordée. D'un mois sur l'autre, je sais ce que je gagne, je peux vous le dire si ça vous intéresse. Ah ben, mon-t-il ? Écoutez, en net, je gagne 17 300 euros par mois. C'est un salaire confortable. C'est un salaire confortable. Oui. Oui, je ne le nie pas. Oui, cet homme perçoit près de 5000 euros de plus que le président de la République. Il dispose en outre d'un appartement de 182 mètres carrés et d'un majordome, lui-même logé dans un appartement de 49 mètres carrés. On est ici au cœur de l'entre-soi. Ce qui choque la majorité des Français a peu de chances de scandaliser Michel Moreau. Bref, ce n'était vraiment pas la personne indiquée pour dissiper les doutes de l'opinion, quand bien même l'intégrité de l'homme n'est pas en cause. Quant à la déontologue, Agnès Roblot-Troisier, elle doit son poste à François de Rugy, comme l'atteste ce communiqué. On est loin de la transparence revendiquée par Rugy et l'exécutif. Assurément, il y a encore des progrès à faire pour vérifier le train de vie des élus et du gouvernement. Reste une question. On ne démissionne pas pour trois repas litigieux, surtout lorsqu'on a sa conscience pour soi, comme l'affirme l'ancien ministre. Je vais vous dire, je n'ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté. Alors, y a-t-il encore quelque chose à découvrir ? Du côté de la majorité, en tout cas, la joie était contenue. Écoutez Gilles Legendre. Je lis ces rapports, je comprends juste que dans ces matières, il faut se garder d'aller trop vite, de juger trop vite, d'affirmer trop tôt. Et pour Alexis Corbière, il y a plus important que les homards servis à l'hôtel de Lacé. Le scandale, c'est que ce ministre de l'écologie n'est pas un vrai ministre, ne défend pas l'écologie. Le problème de ce gouvernement, c'est pas les homards qui mangent, il est mangé avant. Voilà, c'est que c'est la politique qui mène. C'est là-dessus, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. On a l'impression que on peut appauvrir les gens, baisser les APL, faciliter les licenciements. Tout le monde s'en fout. Et il y a un ministre qui fait un peu moins que ce qu'a fait Macron, ça devient un scandale. Le député de la France Insoumise fait référence au dîner, parfois deux par soirée, qu'organisait Emmanuel Macron à Bercy, à l'époque où, ministre des Finances, il lançait la République en marche. On attend toujours qu'une institution de la République s'intéresse à ses agapes. Le petit bonbon ferme ses portes pour les vacances. On se retrouve pour la rentrée parlementaire fin septembre. D'ici là, portez-vous bien et profitez de vos congés. Les mois qui viennent n'auront rien dans le long fleuve tranquille. On y va tout de suite. Monsieur l'abbé, regardez votre soutane. Elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec Soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activotextigène à l'essence de synode dégénérée. Soutaneuf, la résurrection de la soutane. Existe également Soutaneuf pourpre, Soutaneuf violet. Pour le blanc, devis spécial de nos laboratoires. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office ? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pin naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel. Ah, ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté aux vêpres, porté le cilice, et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net. Encore Net, le déodorant de la bonne sœur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Tu vas mollo, là, parce que remarque, tu peux rien faire. Tu prends pas de cash, naturellement. Tu rigoles, non ? J'entends ouais. Rien, ça me vibre dans les oreilles. Vas-y, ouais. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ gris, qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons. Je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service. Allez, jamais. Je me sors pas de cette bande immédiatement. Ah oh, ben faudrait savoir ce que vous voulez, quoi. Pour une fois que j'ai l'esprit station, il s'agit bien de parler du bon Dieu. Il s'agit pas de parler de Dieu, il s'agit d'axer nos programmes sur Dieu. Vous vous moquez de nos clients, Gerbert. Ah ouais, les clients, les marchands du temple, hein. Vous n'avez pas à discuter, je vous ordonne de couper ça. Ben, je vous emmerde. Et moi, je vous trouve grossier, Gerbert. Et je vous fous à la porte. Ah non. Non, non, parce que je prévoyais tellement votre réaction que je vous ai préparé une petite lettre d'adieu. Une lettre d'adieu radiophonique, évidemment. Tu peux l'envoyer. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans ou bon con d'auditeurs les signes du zodiaque, le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants, tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique, vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, mais là mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre, et dans un tel combat, je ne puis que me rendre, alors Plantier, salut. Je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire. Infrarouge, des films sans concession. Sans concession. 1200 tonnes de combustible usé arrivent chaque année à La Hague, où doit s'opérer la séparation des différents éléments radioactifs, principalement l'uranium et le plutonium. Nous recevons le combustible usé de nos clients, nous l'entreposons dans des piscines comme celle-ci pour préparer l'ordonnancement du recyclage et ensuite donc on opère une opération de découpe mécanique des éléments combustibles usés, de dissolution de ces éléments pour récupérer toute la matière qui est valorisable à l'intérieur et qui représente 96% de la matière usée. Le site est hautement stratégique, puisque c'est ici, dans ces piscines, que se trouve rassemblée la plus grande quantité de matière radioactive au monde. Ces piscines, elles sont hors sol, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas souterrain, c'est hors sol. Je vous parle ici de 130 réacteurs qui sont dans une même piscine. Et puis dans un vulgaire hangar. Et donc, évidemment, il n'y a pas de protection, par exemple, de chute qu'il pourrait y avoir d'aéronefs, par exemple. Si quelqu'un veut se procurer un plan d'usine, nous-mêmes nous en avons, tout le monde en a, il suffit de regarder le rapport de sûreté de l'autorité de sûreté nucléaire, l'emplacement des piscines est parfaitement identifié, et je peux vous assurer que ces piscines sont parfaitement vides, surtout lorsqu'on arrive désert. On va intervenir prochainement auprès d'Areva et poser les questions dans ce domaine. Est-ce qu'il est prévu quelque chose vis-à-vis de la sûreté de couverture de ces piscines? Sur ce type de sujet qui concerne la malveillance et la protection physique des matières, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez trouver qui sont accessibles au public, mais l'essentiel des études, de par la nature même des études, est classifié. Les scénarios de chute d'avion font partie des scénarios classiques envisagés sur l'établissement. Après avoir été cisaillé, vitrifié et coulé dans des fûts en acier, tous les déchets ultimes non recyclés sont conservés dans des silos. Sous chaque cercle, dans cette salle, sont empilés 10 fûts de produits de fission hautement radioactifs. L'ensemble est ventilé en permanence, car la température avoisine 300 degrés. Ces fûts ne pourront pas sortir d'ici avant une soixantaine d'années. Pour recevoir les futurs combustibles usés de nos 58 réacteurs, deux nouveaux silos sont en construction à La Hague. Les fûts s'accumuleront au fil des ans, dans ces colonnes d'acier séparées les unes des autres pour permettre à la ventilation naturelle d'absorber la chaleur et d'accompagner la décroissance radioactive. À la fin des années 60, on ne prenait pas de telles précautions à La Hague. Les déchets de combustible irradiés, on s'en débarrassait sur place. Une commission d'enquête a considéré en 1996 qu'il n'y avait pas de risque. Des contrôles sont effectués régulièrement. Pourtant, certains affirment que le feu couve sous la cendre. De 68 à 75, c'était la première fois au monde qu'on stockait des déchets radioactifs. Donc j'étais embauché comme ingénieur sécurité et technicien en protection pour stocker ces fameux déchets. Donc on stockait, je dirais, pas bêtement, mais on stockait avec les techniques de l'époque. Le gros problème, c'est qu'on a stocké la première tranche carrément sur le sol. Et sous le sol, vous avez une nappe phréatique. L'endroit admet quand même qu'il y a plus de 250 kg de plutonium. Le plutonium, c'est le plus terrible. Donc ce plutonium, il faut l'enlever. Parce que là, si le plutonium va dans la nappe phréatique, c'est terminé pour la région. Je ne suis pas anti-nucléaire, je ne suis pas pour, je ne suis pas pour. J'estime un travail bien fait. Et c'est moi qui les ai stockés, personnellement, tous, avec mon équipe. J'estime que j'ai mal travaillé parce que c'était les techniques de l'époque. Aujourd'hui, en France, des milliers de tonnes de déchets provenant de nos centrales nucléaires traversent chaque année le pays en tous sens. Les combustibles usés voyagent entre leur site de production et La Hague. Les combustibles à retraiter vont de La Hague à Marcoul, puis retournent dans les centrales. Ce balai de transport nucléaire se fait à 80% par voie ferrée. Sans transport, il n'y a pas d'industrie nucléaire. Il faut vraiment être conscient de ça. Ces transports sont fondamentaux pour l'industrie nucléaire parce qu'ils concernent les combustibles neufs, on va dire le minerai, mais ils concernent aussi surtout les combustibles usés. Et aujourd'hui, on a 500 trains par an qui circulent en France de déchets nucléaires de diverses sortes. Et on va encore augmenter le nombre de trains par an, ce qui fait qu'évidemment, la population donc est concernée, puisque tous ces trains traversent des gares ouvertes aux voyageurs, stationnent dans des gares ouvertes aux voyageurs, stationnent dans des triages qui sont souvent à proximité d'habitations. Et évidemment, touchent de très très près les cheminots. Des assemblages de combustibles retraités qui sont dans ces wagons sont radioactifs et donc ils émettent un rayonnement vers l'extérieur. Ça, c'est bien sûr tout à fait vrai. Mais lorsque nous examinons les trajets de ces trains, par exemple, bien sûr, nous regardons quelles sont les expositions possibles vis-à-vis des personnels dans les gares de la SNCF, les voyageurs qui pourraient être dans des trains qui passent à côté, les riverains. Et ces doses sont extrêmement faibles et très, très en dessous des minima réglementaires. Donc, il n'y a, de notre point de vue, pas de danger particulier à faire circuler ces transports. Ces wagons-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont effectivement percutés de côté, par exemple. Quel est leur seuil de résistance? Et surtout, si le wagon a un problème, qu'est-ce qui se passe? Si un accident se produisait, l'IRSN serait immédiatement en mesure d'assister le préfet du département où l'accident aurait eu lieu pour les mesures de prévention vis-à-vis des populations d'environnement, du reste de la circulation routière. J'ajoute que bien que ces matières soient extrêmement sensibles pour certaines d'entre elles, l'ampleur d'un accident de transport n'aurait rien à voir avec l'ampleur possible d'un accident dans un réacteur nucléaire. En plus du combustible irradié, les installations nucléaires accumulent une quantité d'autres déchets de faible et moyenne intensité. Ils sont acheminés chaque jour par camion dans l'Aube sur un site géré par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Les déchets stockés sur ce centre sont des déchets dits d'exploitation. Donc on va retrouver des vêtements qui ont été utilisés dans l'exploitation d'installations nucléaires, des outils par exemple, ou également des filtres ou des morceaux de pièces ou des pièces qui ont été remplacées sur ces installations. Et ça peut être des terres, des gravats, des morceaux de murs, des morceaux de ferraille, des poutres ou autres. Le site est conçu pour prendre en charge 1 million de mètres cubes de déchets sur une superficie de 95 hectares. Ils sont entreposés dans des bunkers en béton armé de 25 mètres de long sur 8 mètres de haut. Il est prévu que ces déchets restent ici à vie, puisqu'en fait la solution de stockage que nous proposons est une solution définitive. Simplement, nous avons pour le site sur lequel nous nous trouvons une phase d'exploitation de quelques décennies, autour de 70-80 ans, et à l'issue, une phase de surveillance qui ne pourra pas être inférieure à 300 ans. On considère qu'il faut 300 ans de surveillance pour obtenir une radioactivité qui sera au niveau de la radioactivité naturelle. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de visibilité pour dire qu'on peut stocker les déchets pendant plusieurs dizaines d'années, et donc qu'on a les moyens de garantir la protection de l'homme et de l'environnement vis-à-vis de ces déchets. Est-ce que la solution est vraiment de les mettre à un seul endroit ? Est-ce que finalement, ce n'est pas mieux, eh bien, de les laisser sur les sites, puisque bah, de toute façon, ces sites sont déjà là, sont déjà pollués, appartiennent déjà à EDF. Toujours est-il que oui, ça va être compliqué et très clairement, c'est un fardeau qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants. La partie la plus préoccupante de ce fardeau, ce sont bien sûr les 6000 tonnes de déchets de haute activité issus des réacteurs. Que faire de ces déchets dont la durée de radioactivité et de chaleur se mesure en millions d'années? Un laboratoire de recherche a été installé à Bure, dans une région isolée entre la Meuse et la Haute-Marne. La France privilégie en effet l'enfouissement à grande profondeur, alors que d'autres pays préfèrent la conservation en surface. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la couche d'argile qui doit faire office de barrière. Ici, à plus de 400 mètres sous terre, on étudie les propriétés d'une couche géologique profonde, capable d'accueillir des déchets qui y resteront pour l'éternité. C'est un site qui possède de bonnes propriétés pour être creusé et dans lequel on demande à la roche d'être capable d'évacuer la chaleur qui est produite par les colis de haute activité. Donc on veille à bien séparer les alvéoles de stockage pour respecter des limites de température que l'on se fixe, mais l'évacuation de la chaleur se fait de manière totalement passive sans avoir besoin de l'intervention de l'homme. Les déchets vitrifiés en soi ne dégagent pas une chaleur considérable en tant que telle, mais si vous leur mettez 10 pulls, vous êtes entouré de pulls de laine, la chaleur ne s'évacue pas et c'est là que ça devient chaud. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'argilite. Parce que l'argilite est une roche qui évacue très très mal la chaleur. L'intérêt du site dans l'argile que nous étudions ici, c'est que l'eau circule extrêmement lentement dans cette couche d'argile. Et les calculs que nous avons réalisés montrent qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'années pour que les éléments radioactifs les plus mobiles puissent sortir de notre couche d'argile. C'est-à-dire que le site offre d'excellentes garanties vis-à-vis de la sûreté à très long terme pour le stockage des déchets radioactifs. Elle va circuler, l'eau est partout et il risque fort d'y avoir des pollutions et des événements très graves. La radioactivité, elle va pas attendre sagement les bras croisés pendant des milliers d'années, simplement parce que l'Andra l'a écrit sur ses rapports. Aujourd'hui, la loi a retenu l'idée d'un stockage réversible, c'est-à-dire que pendant au moins 100 ans, si on voulait changer d'avis sur la modalité de gestion de ces déchets, on est capable de les reprendre pour envisager un autre stockage ou une valorisation. Nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants, en gros pendant 100 ans, la possibilité de faire des choix, sans pour autant leur imposer la charge de gérer un déchet dangereux à la porte de chez eux. Actuellement, si vous voulez, l'Andra fait un discours de communication sur le fait que Bure, ou l'analogue de Bure, pourrait être un stockage réversible. C'est pas sérieux. On commence pas par faire un trou à 600 mètres de profondeur avec des excavations compliquées pour aller mettre des colis tout au fond en disant qu'on va les ressortir. Ça n'est pas sérieux. Je n'y crois pas d'un instant. Je pense que c'est de la communication. Ce laboratoire de Bure n'est pas destiné à recevoir des déchets radioactifs. La décision de creuser le vrai centre de stockage, ailleurs mais dans la même zone, doit être prise en 2015 après un débat public. Le gouvernement, s'il estime que le stockage peut être autorisé, alors l'Andra construira le stockage et en visant une mise en service en 2025. Ensuite, il faudra prévoir une centaine d'années d'exploitation pour être capable de prendre en charge tous les déchets produits par le parc nucléaire français depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les déchets futurs du parc actuel. On a fait miroiter que ce serait un centre scientifique, que ça attirerait beaucoup de monde, et c'était une idée très positive, c'est très très positif comme idée la science. Et puis la deuxième chose surtout, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est distribué, de plus en plus, les présidents de conseils généraux en réclament toujours davantage, alors qu'en fait il n'y a aucune nuisance, puisqu'il n'y a pas du tout de déchets nucléaires aujourd'hui en 2012 à Bure. Mais c'est une façon d'anesthésier durablement les consciences des élus locaux. En matière de déchets, une difficulté majeure attend les exploitants du parc nucléaire français. Le démantèlement des réacteurs et des installations en fin de production. Le gros problème de toutes ces centrales actuelles, c'est qu'elles n'ont pas été conçues pour être démantelées. C'est pas si évident que ça de se dire est-ce que je découpe la cuve sur place ou bien est-ce que je la découpe pas, parce qu'elle est très radioactive. Je pense que démanteler une centrale, il n'y a pas de problème technique. Il y aura des robots qui seront utilisés pour les éléments les plus irradiés et ainsi de suite. Après, il y a la question de le faire en combien de temps. Moi, je pense que démanteler une centrale nucléaire, faut prendre le temps pour le faire. Faudra que les gens soient bien formés. Au passage, d'ailleurs, ça demande beaucoup moins de gens pour démanteler une centrale que pour l'exploiter. Et ce ne sont pas les mêmes formations. Donc, on ne remplacera pas l'un par l'autre. Ce qui est problématique, si vous voulez, c'est pas tellement démanteler en prenant son temps. Ça, on sait faire. Mais qu'est-ce qu'on fait des déchets du démantèlement? Eh bien, aujourd'hui, pour beaucoup de ces déchets, il n'y a pas de filière. Donc, il faut prendre son temps. Attendons qu'on ait les filières d'élimination pour ces déchets. Travaillons à ça. Et ça coûte très cher. Le coût, c'est l'autre incertitude qui pèse sur le démantèlement des centrales. EDF et Areva ont mis de côté une vingtaine de milliards d'euros. Est-ce suffisant? Ne reportons-nous pas, là encore, sur les générations futures, une addition que nous ne voulons pas honorer aujourd'hui? Les risques du nucléaire sont disproportionnés par rapport à l'usage qu'on lui demande. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut soit ne pas l'utiliser, soit, quand on l'utilise, comme nous, en sortir. On peut être favorable au nucléaire et en même temps souhaiter qu'il y en ait moins. Depuis Fukushima, le débat qui intéressait jusque-là modérément la société française a pris une toute autre ampleur. Ce qui s'est passé en mars 2011 au Japon, grande puissance industrielle, apporte la preuve qu'aucun pays n'est à l'abri d'un drame nucléaire majeur. Nous, autorités de sûreté nucléaire, nous avons toujours dit qu'un accident grave était possible en France. C'est la confirmation, ce qui est survenu au Japon, du fait qu'un accident grave est toujours possible. Quel que soit le niveau de développement social ou économique d'un État, à partir du moment où on entre dans une crise nucléaire de cette ampleur, ça devient ingérable. Donc si Fukushima a bien montré quelque chose, c'est que le nucléaire sûr n'existe pas. Et je pense que ça, les Français l'ont bien compris. On sent vraiment une vraie transformation en profondeur sur le terrain, notamment du côté des élus locaux. Ils n'avaient jamais pris conscience que le fait que leur ville soit située à 30 km d'une centrale nucléaire ne signifie pas qu'ils étaient à l'abri. Et c'est vraiment ce changement sur le terrain qui, selon nous, va entraîner la mort du nucléaire en France. Quelle que soit la place future du nucléaire en France, il nous faut intégrer le fait que l'ère de l'énergie bon marché est bel et bien terminée. Pour limiter la facture, il existe une solution simple. Je crois que la principale révolution, c'est l'efficacité énergétique, les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a compris que l'énergie, c'est un produit cher, c'est un produit qu'il faut économiser, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. L'intérêt du consommateur final, c'est de se rendre compte qu'il doit à la fois modifier son comportement et choisir des équipements, je dirais, de plus en plus performants. Et là, le potentiel est énorme. Il faut imaginer qu'on a tout autour de nous tout un champ, un continent en quelque sorte d'économie d'énergie. Quand on les regarde avec un œil un petit peu technique, quand on a l'habitude, on s'aperçoit que par rapport à notre consommation d'aujourd'hui, ce gisement représente plus de 50%, presque pratiquement 60% et un peu plus de la consommation d'aujourd'hui. C'est l'avenir de nos sociétés industrialisées qui est en jeu. Il est lié aussi à un autre impératif, la diminution de nos rejets de CO2 dans l'atmosphère. Dans ce domaine, le nucléaire a des atouts, mais il n'est pas le seul. Les panneaux photovoltaïques et les éoliennes arrivent en tête sur le marché naissant des énergies renouvelables. Viennent ensuite les barrages hydrauliques et la biomasse. Les énergies renouvelables, telles l'éolien, le photovoltaïque ou la biomasse, ont déjà leur place aujourd'hui, puisqu'ils contribuent aujourd'hui à cet équilibre production-consommation en France. Demain, s'ils sont appelés encore à se développer, eh bien nous les intégrerons, comme nous le faisons depuis plusieurs années, dans le système électrique. Tous les scénarios élaborés par l'Agence internationale de l'énergie, enfin par toutes les grandes institutions, montrent que dans la seconde moitié de ce siècle, plus de la moitié de nos énergies seront fournies par ces énergies renouvelables. Ces énergies prennent d'ailleurs petit à petit leur place dans le grand marché de l'électricité en Europe. Car la France est interconnectée avec ses voisins à travers 46 liaisons transfrontalières. Ces liaisons transfrontalières contribuent à l'utilisation du mix énergétique européen, puisque vous avez des pays, la France avec une dominante nucléaire, vous avez des pays avec des dominantes énergies renouvelables, et qu'en fonction de la disponibilité des moyens de production, eh bien, ça va créer soit des imports, soit des exports d'électricité. La France, en Europe, est le pays qui dispose de toutes les énergies renouvelables, et en quantité. Sur les 6 grands types d'énergies renouvelables, solaire, le vent, la géothermie, la biomasse, etc., l'énergie marine, on a toutes ces énergies en abondance. Et on est presque le pays d'Europe qui l'utilise le moins bien. Donc, on se dit, utilisons, comptons sur notre propre ressource, et utilisons au mieux l'ensemble de ces énergies qui sont à nos dispositions. Le vent et le soleil sont des sources d'énergie inépuisables, mais ils ne sont pas fiables. Il n'y a pas toujours de vent, il n'y a pas toujours de soleil, surtout en Europe. La réponse, c'est la combinaison des énergies renouvelables entre elles. Et ça commence à se faire d'ailleurs, c'est de dire pour suivre une demande, il faut combiner des énergies variables, mais qu'on peut prévoir, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque, avec des énergies renouvelables non variables, qui sont l'hydraulique, la biomasse, dont le biogaz par exemple, qui elles fonctionnent comme des centrales normales. La solution serait d'emmagasiner l'électricité produite par le vent et le soleil lorsqu'ils sont abondants, de la mettre en conserve, puis de la basculer sur le réseau lorsque vent et soleil ne sont pas au rendez-vous. Il est clair que le vent et le soleil contiennent des quantités d'énergie 100 fois, 1000 fois supérieures à ce dont nous avons besoin. Il faut juste savoir utiliser cette énergie d'une façon ingénieuse, à moindre coût, et surtout la stocker. Mais stocker l'énergie pendant plusieurs mois, ce n'est pas encore possible. L'entreprise qui invente, qui développe une technologie permettant de stocker l'électricité, de transformer une électricité intermittente en système continu, ça, c'est le jackpot. En Europe, l'Allemagne possède le parc éolien et photovoltaïque le plus développé. Les opérateurs privés se sont multipliés, comme cette société installée en ex-Allemagne de l'Est. Il y a eu des milliers de personnes comme nous qui se sont lancées, qui étaient enthousiastes. Elles se sont dit « Allez, on y va ». C'est comme ça que nous avons aujourd'hui 27 000 mégawatts d'énergie photovoltaïque, ce qui est gigantesque. C'est pour ça aussi que nous avons maintenant plus de 30 000 mégawatts d'énergie éolienne. Nous pouvons à partir d'ici livrer de l'électricité dans le circuit public. Nous pouvons même fournir de l'électricité directement dans le réseau électrique européen. Elle part vers Berlin et les grandes villes. D'ici, nous agissons comme le font toutes les autres centrales électriques. Fort de ce développement, l'Allemagne sert de référence pour mesurer à l'échelle d'un grand pays avantages et inconvénients des nouvelles filières. Premier constat, éoliennes et panneaux solaires prennent beaucoup de place dans les paysages. L'Allemagne est un pays peuplé d'une façon très dense. Donc, nous avons déjà aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, des conflits de proximité. C'est-à-dire que les habitants s'opposent à la construction de centrales éoliennes. Ils ne veulent pas que le paysage soit envahi par les éoliennes. Le soleil n'envoie pas de facture. Le vent non plus. Mais les installations ont un coût très élevé, 1 million d'euros pour une éolienne d'un mégawatt. Ce développement ultra rapide en Allemagne n'aurait pu se faire sans l'aide des pouvoirs publics. L'État a garanti aux exploitants l'achat de toute leur électricité à un prix minimum pendant 10 ans. Sans la loi sur les énergies renouvelables, il n'y aurait jamais eu ce boom dans le secteur. Les fabricants d'éoliennes et de modules photovoltaïques ont profité de cette sécurité, car ils savaient que leurs produits allaient se vendre. Et c'est ce qui a permis à toute une industrie de se développer autour de ça. Le gouvernement allemand a délibérément créé des conditions artificielles pour que ce solaire se développe, c'est-à-dire un tarif de rachat d'électricité beaucoup plus élevé que le tarif commercial. Ça coûte des dizaines de milliards à l'économie allemande, cette histoire. Et alors l'idée était que au moins ça allait contribuer à créer une industrie allemande des panneaux photovoltaïques. Malheureusement, c'est pas exactement ce qui se passe parce que l'essentiel des panneaux photovoltaïques aujourd'hui sont produits en Chine où ils sont beaucoup moins chers que ceux qui sont produits en Allemagne. Un autre handicap ralentit le développement des industries éoliennes et photovoltaïques en Allemagne, le transport de l'électricité. Dans le nord du pays, il y a une forte concentration d'éoliennes. Par contre, dans cette région, la demande énergétique n'est pas très élevée. Elle se situe surtout dans le sud. Nous avons calculé qu'il nous fallait environ 4500 km de lignes à haute tension pour transférer le courant. Toutes les usines sont dans le sud de l'Allemagne et c'est pour cela que le transport énergétique est une nécessité absolue. La population va-t-elle accepter ces milliers de kilomètres de lignes à haute tension traversant le pays de part en part, qui sont une plaie pour l'environnement ? L'environnement est aussi mis à mal par l'exploitation des mines de lignite. Pour pallier l'arrêt du nucléaire, les Allemands ont en effet intensifié la production d'électricité de leurs centrales à charbon. Le lignite est un sous-charbon proche de la tourbe, peu calorifique, gorgé d'eau et très nocif en matière de gaz à effet de serre et de CO2. Je pense que l'avenir du lignite se présente bien, car avec le développement des énergies renouvelables, il faut également avoir des centrales de rechange pour pouvoir rééquilibrer les fluctuations de l'alimentation électrique, l'adapter aux besoins. Les centrales à charbon, spécialement les centrales à lignite comme celle-ci, ont un rôle à jouer. En France, on produit actuellement environ 6 tonnes de CO2 par habitant, y compris les voitures, etc. Et les Allemands sont à 10, essentiellement parce que les Allemands utilisent des centrales à charbon pour faire leur électricité. Donc voilà, si on veut faire comme les Allemands, on peut sortir du nucléaire, mais on aura aussi de l'électricité produite par des centrales à charbon, des centrales à gaz, c'est-à-dire que notre production de CO2 par tête augmentera. Vous aurez remarqué que depuis 2 ans, plus personne ne parle d'effet de serre. Tout le monde s'en fout complètement. Il n'y a qu'un endroit où on parle de l'effet de serre, c'est pour défendre le nucléaire. Alors, c'est vrai que le nucléaire ne fait pas beaucoup de CO2. Cela dit, on gonfle un peu la situation en faisant semblant de nous faire croire que si on n'avait pas le nucléaire, on n'aurait que des centrales à charbon. Donc, en fait, c'est moins brillant que ce que disent les défenseurs du nucléaire. Si on veut répondre aux besoins sans émettre de CO2, aujourd'hui, l'énergie nucléaire doit faire partie du mix énergétique. Ça ne veut pas dire que dans 30 ans ou dans 40 ans, si on trouve d'autres choses, il en fera toujours partie. Quand on voit que la Chine, elle connecte sur le réseau une centrale à charbon par semaine, on imagine en termes de pollution, s'ils ne décidaient pas de faire des centrales nucléaires à côté, que ça serait complètement dramatique. Réussir la transition énergétique, c'est le défi qui nous attend, nous aussi en France, en fixant à sa juste place le curseur du nucléaire. Pour certains, c'est un fardeau dont il faut se débarrasser au plus vite. Pour d'autres, une filière d'avenir. Le débat public est ouvert. Nous sommes Français, donc nous aimons le jardin à la française. Il faut qu'il y ait des allées très rectilignes avec une solution unique. Alors vous avez pro-nucléaire, vous avez pro-renouvelable. Non, il va falloir intelligemment faire un mélange des deux, trouver des façons de stocker différentes. C'est l'intelligence à l'œuvre. Le débat sur la sortie du nucléaire, c'est un débat très simple. Vous voulez garder le nucléaire, vous prenez un risque. Vous voulez sortir du nucléaire, vous prenez un risque. Choisissez entre les deux risques et pourquoi. Voilà le vrai débat. Je pense qu'il n'y a pas de choix, que nous avons encore beaucoup besoin du nucléaire. Je n'ai aucun plaisir jouisseur à dire ça. C'est parce que j'ai peur de la régression, de la disparition de croissance si on n'a plus assez d'énergie. Quels que soient les scénarios à venir, celui d'une transition énergétique ou celui d'une prolongation, etc., cet héritage, il est là. Et il faudra le gérer.

milliards d'ISF est bien moindre que ce que je mets dans mon fonds de mécénat. Jusqu'en 2017, il payait entre 1 à 2 millions d'euros d'ISF par an. Il consacre désormais 10 millions d'euros à son fonds de dotation destiné à des bonnes œuvres. Ça va de l'aide à la recherche médicale à la réflexion de l'église de la Madeleine à Paris. Merci Jennifer. Et bien justement, Olivier Mathieu, vous en parliez, il est avec nous en ligne. Merci Olivier Mathieu et bonsoir. Vous avez 48 ans, et effectivement vous étiez le cofondateur de Price Minister. Donc au moment où vous avez revendu cette entreprise, vous avez engrangé beaucoup d'argent et vous êtes président aujourd'hui de The Camp, c'est un campus de formation dédié à la transformation numérique. D'abord une question, vous n'êtes pas vous dans les 500, vous êtes loin, vous êtes dans les 600, dans les 1000 d'après vous? Bon, je ne sais pas, mais je suis content qu'il y ait énormément de gens plus riches que moi dans tout le cas. Bon, est-ce que vous êtes finalement le premier de cordée idéale? Parce que vous dites, j'ai fait 50 à 70 000 euros d'économie, et en clair, c'est un soulagement de ne plus être taxé chaque année, mais du coup, je réinvestis tout dans des jeunes pousses. Vous êtes le premier de cordée idéale? Écoutez, l'expression premier de cordée, évidemment, elle nous renvoie à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, The Camp que je préside utilise beaucoup l'image de la cordée. C'est vrai qu'on doit avoir un phénomène d'entraînement et de transformation de la société. Donc les entrepreneurs qui ont pu gagner de l'argent ont tout intérêt à essayer de réinvestir. Ils espèrent gagner de l'argent de nouveau. Mais ils accompagnent aussi des startups. Donc c'est pas qu'une question fiscale, c'est aussi une question, je dirais, d'exemplarité et puis après d'accompagnement ou de mentoring, comme on dit dans le milieu de l'entrepreneuriat. Discrétion. Dans son viseur, un compte bancaire fourni, affirme le canard enchaîné. 11 millions de francs suisses, l'équivalent à l'époque de 7 millions d'euros. À l'Assemblée nationale, ces révélations choquent. Celui-là même qui a donné des leçons d'austérité aux Français, qui leur a demandé de se serrer la ceinture et qui lui-même volait la France. Si les faits sont exacts, ceci ne va pas relever l'opinion qu'ont beaucoup de Français de leur classe politique. Raymond Barre, père de la rigueur budgétaire, se serait-il laissé aller à la fraude fiscale qu'il affirmait pourtant combattre, comme ce jour d'octobre 76 où le Premier ministre s'engage face aux députés. La première démarche en ce domaine est de faire disparaître la fraude fiscale. Celle-ci crée... Celle-ci crée des privilèges iniques auxquels les Français sont de plus en plus sensibles. Depuis 2016, la justice enquête sur le patrimoine accumulé par l'ex-ministre. Plus de 13 millions d'euros à sa mort, dont cette villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat. D'où venaient les fonds cachés en Suisse? Fortune familiale ou argent accumulé lors de ses fonctions? Comme Premier ministre, il avait accès à des millions de francs en liquide, des fonds secrets qui pouvaient être retirés sans laisser de traces. Contacté, l'avocat des enfants de Raymond Barre n'a pas souhaité nous répondre. Depuis quelques années maintenant, Bercy s'est donné des moyens plus importants pour amplifier sa chasse aux tricheurs. Hasard du calendrier, une nouvelle brigade de super flics du fisc a d'ailleurs pris ses fonctions aujourd'hui même. Alors Camille Gutin et Marie Cazot ont voulu savoir si des aventures extra-fiscales comme celle présumée de Raymond Barre ou plus récemment celle de Jérôme Cahuzac étaient toujours possibles. Placer son argent aux îles Caïmans ou ouvrir un compte caché en Suisse, est-ce encore possible aujourd'hui? Pour attraper les plus gros fraudeurs, la France vient de se doter d'une brigade de super enquêteurs. Une police fiscale de 40 personnes, perquisition, filature, écoute téléphonique, de nouveaux moyens pour lutter contre la fraude fiscale. La voiture du fisc ou la voiture des gendarmes ne va pas assez vite, pas aussi vite que la voiture des voleurs dans la technicité de la fraude. Et donc effectivement, nous dotons des armes qui permettent aussi de répondre à la demande sociale le plus lutter contre la fraude. Depuis 2 ans, 129 pays comme la Suisse se sont engagés en cas d'ouverture de compte par des étrangers sur leur territoire à transmettre les données bancaires aux pays concernés. Un contrôle fiscal est ensuite possible. Grâce à ces dispositifs, la France a récupéré en 2018 11,6 milliards d'euros. En 10 ans, l'argent déposé illégalement à l'étranger a baissé de 34%. Si ces mécanismes portent leurs fruits, L'évasion fiscale reste possible avec des montages plus complexes. C'est la fin de la fraude fiscale par l'utilisation du secret bancaire. Malheureusement, il existe d'autres outils d'opacité fiscale, comme par exemple des entités juridiques de droit anglo-saxon, généralement, pour lesquelles on ne sait pas qui amène l'argent et qui en bénéficie vraiment. Et ça, le G20 doit continuer à s'y attaquer. Certains pays, comme les États-Unis, refusent encore d'échanger certaines informations bancaires. Bon, ben, Asteux, m'en va vous dire El Corbeau et puis l'Arnard. Ah, tiens. Bon, ça te marche comme ça. Maître Corbeau, qui était juqué au coupé d'un orbe, il tenait dans son bec un fromage. Maître Arnard, qui pensait, mais qui avait senti et puis reniflait la bonne affaire, il s'arrête, il lève la tête, et puis il dit comme ça, « Eh, bouge-vous, monsieur du corbeau. Mais comme vous êtes joli, comme vous me paraissez beau. Sang Mati, si vous chantez aussi bien que vous êtes habillé, vous êtes le meilleur de toutes les bêtes qu'il y a dans le bois. » Quand il entend ça, le corbeau, il se sent plus de jouet. Et puis il se redrèche, et puis il s'ancrait, et puis il ouvre un large bec, un bazar. Là, le fromage qui est pas par terre. Bernard saute dessus. Il relève la tête, puis il dit, « Apprenez, mon bon monsieur, que tout flacu, qui vous passe comme ça la main dans le dos, pas devant, et puis qui vous crache à la figure par derrière, il faut s'en méfier. Méfie-t'e, comme disait toujours ma mamadène. Mamadène était ma grand-mère. Les gens l'appelaient la mère Mandène, et puis ce homme, il l'appelait Mandène. Méfie-t'e, comme disait, est une leçon qu'a vaut bien fromage. Le corbeau, honteuse et confus. Monsieur Balu, notre maître d'école, il voulait à toute force qu'on fasse la liaison, honteuse et confus. Il devait craindre qu'il était un corbeau femelle, ou bien alors peut-être un corneille, pas t'avais. Honteuse et confus, jura, mais t'es bien trop tard, que Léon y prendrait plus. Alors là, je n'ai pas jamais bien compris la fin de l'histoire, veille pas, tu que Léon vient faire là-dedans. Triomphe de la méthode journalistique pendant l'été, c'est-à-dire aller de fuite en fuite et de source plus ou moins crédible en source plus ou moins crédible afin de révéler la vérité. La vérité éclate au grand jour grâce à une source d'Edoui Plenel très haut placée. Cette source n'était pas n'importe qui, c'était le directeur général de la police nationale qui savait que dans l'État, il y a des gens qui peuvent faire des bêtises. Il n'aimait pas les glorieux, c'est-à-dire les politiques qui se poussent du col. En l'occurrence, c'était Charles Hernu, le ministre de la Défense. Il n'aimait pas les culottes de peau. En l'occurrence, c'est les amiraux du Pacifique qui voyaient Greenpeace comme une filiale du KGB soviétique. Avec ces infos de première main, Plenel signe un article fracassant. Le scandale éclabousse le gouvernement, mais Charles Hernu conteste haut et fort cette version du monde. Aucune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior. Les journalistes sont scandalisés par l'aplomb du ministre. On était tous au journal, on regardait ça halluciné en disant ou alors on s'est tous trompés, tout est faux, ou alors ce type a un culot, enfin c'est bon, c'est un culot monstre. Il est dans l'idée que plus c'est gros, plus ça passe, et puis en quelque sorte pas vu, pas pris. La DGSE n'avait pas alors en Nouvelle-Zélande, outre le commandant Maffar et le capitaine Prieur, d'autres agents que ceux qui composaient l'équipage de l'UVA. Hernu ment et honte et ment. C'est un menteur pathologique, c'est-à-dire il ment tout le temps. Il dit au chef du conservatoire de Villeurbanne, je suis un violoniste excellent. Donc le gars lui le fait venir pour jouer devant les enfants, il n'a jamais vu un violon de sa vie, il ne sait pas jouer. Il voit des cyclistes, il dit, vous savez, moi j'étais un super, les mecs ils le mettent sur un vélo, ils tombent. Le vent est en train de tourner et Charles Hernu le sait. À la fin de sa conférence de presse, il change de stratégie. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si l'on m'a désobéi, si l'on m'a menti, croyez-moi, vous me connaissez, je serai impitoyable dans mes sanctions, ceci dans l'intérêt même de la crédibilité de notre système de défense. Pendant 3 jours, les réunions interministérielles se multiplient. Une bataille a lieu entre Matignon, l'Élysée et la Défense. La situation est intenable. Il y a une bataille qui se passe au sein du pouvoir entre le Premier ministre Laurent Fabius, le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe, de l'autre côté le ministre de la Défense et François Mitterrand qui observe pour arriver à passer lui-même entre les gouttes. Et finalement, au bout de 48 heures, il y a la reconnaissance de la vérité. Mitterrand est au pied du mur. Il doit lâcher Hernu, son ami de toujours, mais demande à Fabius de s'en occuper. Il ne faut pas sous-estimer non plus le réflexe d'orgueil de Laurent Fabius. Fabius a pris un coup de colère. Il a dit maintenant, il y en a marre. C'est pas possible, je ne peux pas apprendre par l'Express, par Le Monde, cette opération, alors qu'Hernu me dit que c'est pas vrai, c'est absurde. Lorsqu'il est sur le point de trancher cet épisode-là, il y a une part de vengeance et il demande la tête de Charles Hernu. Le 20 septembre 85, Charles Hernu démissionne et l'amiral Lacoste, le patron de la DGSE, est limogé. Il fallait faire sauter quelqu'un, donc c'était ou Hernu, ou Fabius, ou le président. Donc c'était Hernu, et donc Hernu a démissionné. 2 jours plus tard, Laurent Fabius intervient contraint et forcé à la télévision. Le ministre de la Défense vient de m'informer des premières conclusions de l'enquête menée sur l'affaire du Rainbow Warrior. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. 1 mois après sa première intervention sur l'affaire du Rainbow Warrior, rétropédalage impressionnant de Matignon. Même décor, même cravate, mais discours radicalement différent. Laurent Fabius confirme ce que tout le monde sait depuis plusieurs semaines, sauf lui. Il y en a un dont on est certain qu'il est au courant de rien, c'est Laurent Fabius. Alors lui, il est en dehors des clous, mais c'est conforme à l'esprit de la Ve République. Un Premier ministre, traditionnellement, n'est pas informé des affaires de la DGSE, et surtout pas à cette époque. Mais qui a donné l'ordre de couler le bateau? Qui est responsable du fiasco le plus retentissant du service action? Est-ce le patron de la DGSE, l'amiral Lacoste, qui a voulu se faire mousser? Est-ce le ministre de la Défense, Charles Hernu, qui a voulu coûte que coûte protéger les essais nucléaires? Ou est-ce François Mitterrand qui ne voulait plus s'encombrer d'une bande d'activistes écologistes? Le président était parfaitement au courant. Il savait certainement que si des nageurs de combat sont impliqués dans cette affaire, c'est que c'était sérieux. Donc l'ordre de... Il savait qu'il y aurait un sabotage, etc. Est-ce que le président de la République connaît dans le détail l'opération satanique? Évidemment non. Parce que ça n'est pas du niveau du président de la République et parce que François Mitterrand se souciait assez peu des détails et que Charles Hernu n'avait pas à cœur d'informer le président de la République. Hernu au courant, oui, il a donné l'ordre. Mais Hernu, ça reste un mystère parce qu'il a envie d'être accepté par les amiraux, il croit servir la France en faisant ce type d'action, qui est une stupidité sans nom. Et ce sont les faux époux Thuringes qui payent l'addition. Pendant que Charles Hernu s'enferme dans le mensonge, Dominique Prieur et Alain Maffard croupissent en prison. Leurs visages et leurs noms sont connus dans le monde entier, ils sont grillés. Le sort des deux agents est évidemment très ennuyeux. Mais enfin, ce sont des militaires, ils ont commis une action illégale, ils ont été attrapés, ils sont entre les mains de la justice néo-zélandaise. Le tout, c'est de les faire sortir, mais ils sont quand même pas dans des geôles inhumaines. Les Néo-Zélandais réclament un procès, surtout David Langi, leur premier ministre, qui joue sa réélection sur cette affaire. Les époux Thuringes sont donc entendus par un juge le 22 octobre 1985. Robert Badinter, le ministre de la Justice, leur a envoyé un avocat français, Maître Soulez-Larivière. Je vais le voir Badinter, je lui dis, mais qu'est-ce que vous attendez, moi, qu'est-ce que le gouvernement attend de voir? Et il me répond que vous les sortiez de prison le plus tôt possible. Après des semaines de négociations, Maître Soulez-la-Rivière arrive à modifier le chef d'inculpation. Il y avait un petit tribunal très anglais avec des trucs en bois. Et puis il y avait une immense salle avec un grand écran. Bon. Et c'était prévu, on était prévu pour un procès d'un mois. Bon. Ils arrivent tous les deux, elle qui était maquillée comme un camion, elle avait une perruque noire, elle avait des yeux, elle était entièrement maquillée, c'était surréaliste. Lui faisait Playboy. Et là, à la question coupable ou non coupable, ils disent coupable. Et là, c'est la constatation. Tout le monde est absolument stupéfait, parce que ceux qui connaissent savent que c'est fini. Une affaire de ce genre, il y a deux solutions. Ou bien vous plaidez contre l'accusation devant un jury, ça dure 5 mois, 6 mois. Bien. Ou bien, si ce n'est pas raisonnable, vous essayez de négocier une diminution des charges en contrepartie de ce qu'on appelle un guilty plea. Et c'est à l'évidence ce qui s'imposait. Guilty or not guilty, coupable ou non coupable. À cette question fatidique posée par un juge en perruque, que vous en avez tous vu déjà dans des films d'Hitchcock ou autres, les faux époux Turange ont répondu coupable. Il a réussi à échanger les charges contre eux, qui étaient de homicide volontaire ou de complicité d'homicide, qui était 15 à 20 ans, à homicide involontaire, ce qui fait qu'ils n'ont pris que 10 ans. Il a défini cette stratégie, une stratégie de la vérité, et il leur a permis, grâce à son entregent, grâce à sa connaissance du système britannique, car la Nouvelle-Zélande a un système judiciaire britannique, qui leur a permis de vraiment d'aller vers la libération, une libération qui était vraiment mal partie. Mais leur libération va prendre du temps. Les Néo-Zélandais ne sont pas très favorables à voir les espions français sortir de prison. À ma connaissance, aucun membre de cette équipe de la DGSE n'a réellement répondu de ces actes. Bien sûr, à ce moment-là, beaucoup d'autres facteurs politiques sont entrés en jeu. Et tout ça s'est soldé par le rapatriement des Turinges. Les négociations traînent. En mars 1986, Jacques Chirac, qui est sur le point d'arriver à Matignon, décide de prendre les choses en main. Deux officiers français qui font honneur à l'armée française, qui ont obéi aux ordres, qui ne sont pas des terroristes, sont aujourd'hui en prison. Et le capitaine Dominique Prieur, la femme, en quartier de haute sécurité. Et à l'évidence, plus personne ne s'en occupe sérieusement au niveau du gouvernement. Quand la droite est arrivée au pouvoir avec le gouvernement de Jacques Chirac en 86, immédiatement les choses se sont transformées parce que le chef du cabinet de Jacques Chirac à Matignon était un ancien de la DGSE. On savait très bien que deux officiers français pouvaient pas rester 10 ans en prison en Nouvelle-Zélande. Ça n'a ni queue ni tête. Surtout quand ils ont agi sur ordre. Donc c'est un problème d'État, de relations entre États, beaucoup plus que de personnes. Alain Maffard et Dominique Prieur restent 1 an en prison. Pendant ce temps, un bras de fer étonnant se joue entre Paris et Auckland. Comment pousser les Néo-Zélandais à libérer les Turinges? Comment négocier? Que leur offrir en échange? L'idée du gouvernement français, et qui a été faite assez habilement, ça a été de pourrir la vie des Néo-Zélandais sur ce qu'ils vendent, c'est-à-dire la vente de produits agricoles. Donc par exemple, ils avaient d'énormes marchés de beurre avec l'Algérie. Les Français ont pulvérisé les contrats, c'est-à-dire qu'ils ont vendu du beurre à moitié moins cher que les Néo-Zélandais. La Nouvelle-Zélande, comme c'est un pays qui est plein de moutons, ils vendent plein de laine. Et les douaniers français, quand les camions étaient en France, ils pétaient les câbles pour vérifier s'il n'y avait pas de la drogue dedans. Et résultat, la laine était perdue, invendable. Et ça a été comme ça tout le temps. La Nouvelle-Zélande, qui a extraordinairement besoin de ses exportations, finit par céder. Et sous l'égide effectivement des Nations Unies, un dénouement est trouvé qui est assez peu glorieux. On échange effectivement des agents contre de la laine et du lait. Le gouvernement était pris dans un dilemme. Il devait décider si détenir les espions français en Nouvelle-Zélande serait utile à long terme ou s'il valait mieux conclure un accord. Un accord est trouvé et dans la nuit du 22 au 23 juillet 1986, soit 1 an après l'attentat contre le Rainbow Warrior, les faux époux Turinges sont exfiltrés vers la base militaire de Hao. On a accepté au bout d'un an qu'ils aillent dans un îlot là-haut où ils devaient rester au moins 3 ans. Ils n'avaient pas le droit d'en sortir. Hao, il faut regarder ce que c'est. Hao, c'est une piste d'atterrissage. C'est-à-dire, c'est un truc qui est un tout petit îlot, qui a une immense piste d'atterrissage qui sert uniquement pour détourner les avions militaires s'il y a un problème pour se relever. Et ils sont restés là, ma femme. Et puis son vrai mari, qui avait été muté là-bas, ils avaient créé un club, un truc de plongée. Et après presque 2 ans sur l'atoll, surprise. Un jour, ils ont vu le Concorde poser. Et Chirac, qui était Premier ministre, entre 86 et 80, descend et a laissé rêver, leur dire bonjour. Il leur a dit, écoutez, il y a une solution, madame. Il y a une solution, madame. Parce que imaginez que vous attendiez un heureux événement. On serait obligé de vous rapatrier en France. Parce que on ne peut pas vous laisser accoucher. Ah oh. Et puis il a dit à ma femme, vous êtes quand même assez fragile de constitution, vous allez avoir un problème pulmonaire, un truc comme ça. Et donc ils ont attendu, et dès qu'elle a eu ses résultats de qu'elle était vraiment enceinte, elle a communiqué ça au médecin des armées, qui était très étonné, qui a communiqué ça au général, qui a communiqué à Paris, et on a dit, on la ramène. Alain Maffard souffrirait de graves douleurs à l'estomac. Les Néo-Zélandais ont proposé de le soigner à Wellington, mais un médecin militaire français venu l'examiner a jugé que son état nécessitait son retour. Le commandant Maffard est malade. Ceci a été constaté par des autorités médicales nationales incontestables. En conséquence, il est revenu à Paris. Se rentrait aussi la veille des élections, ce qui était comme, peut-être pour Chirac, peut-être qu'il avait une arrière-pensée politique derrière. Mais c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Le 7 mai 1988, 6 mois après Alain Maffard, Dominique Prieur atterrit à l'aéroport de Villacoublay. C'est l'ultime épisode de l'affaire du Rainbow Warrior. Quand même, elle a porté un tort considérable aux services français. On a effectivement passé pour des rigolos. Les Anglais ne se sont pas privés, les Américains, pour nous le dire. En contrepartie de la libération des espions, la France paye plus de 15 millions de dollars. Le prix de la négociation, le prix du mensonge, le prix du secret d'État. C'est une tragédie pour la démocratie. Qu'un État démocratique pense que ça ne pose pas de problème d'aller faire exploser un bateau dans un autre État démocratique. La question du mensonge d'État, il sera de tout temps, de toutes les époques. La vraie question, c'est est-ce qu'en face, on a un écosystème démocratique ? Jamais aucun débriefing n'a eu lieu à la DGSE. Jamais aucune commission d'enquête n'a permis d'établir la chaîne de responsabilité. On n'a jamais réuni les gens en leur disant qu'est-ce qui s'est passé. Si on avait été aux États-Unis, d'autres têtes seraient tombées pour haute trahison. Le contrôle parlementaire du renseignement n'est advenu en France qu'en 2007. 30 ans après, on ne sait toujours pas qui a réellement donné l'ordre de couler le Rainbow Warrior. Justice n'a pas été faite pour le meurtre de Fernando. Les vrais méchants de l'histoire sont Mitterrand et Ernu. Bilan cruel, un membre de Greenpeace est mort à Auckland et les essais nucléaires français ont continué jusqu'en 1996. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui quand je rappine you, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie et gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Bien maintenant je vous propose une petite revue de presse. Adémat, hôpital en danger. Déclaration du CA d'Adémat à la veille du COPIL du 8 juillet 2019. L'Agence régionale de santé et le ministère de la santé semblent entendre la population et ses élus. Semblent. Ainsi donc, le CHG, Centre hospitalier général de Remiremont, ne sera pas labellisé hôpital de proximité. mais sera considéré au même niveau qu'Épinal dit spécialisé. Beaucoup de guillemets. Après avoir éteint l'incendie allumé à Gendarmerie avec la fête des urgences, pour la première fois depuis 3 ans et demi, le DGARS écrit, directeur général de l'ARS, écrit dans une lettre au député Nejlen, publiée intégralement sur www.ademat.org, ademat, ademat.org, le projet médical, est construit autour du principe du maintien des deux plateaux techniques dans chacun des deux établissements avec une activité d'obstétrique et de chirurgie, à la fois en ambulatoire et en hospitalisation complète. Ces établissements relèveront donc tous les deux du niveau dit spécialisé. Pour que cette affirmation écrite soit pleinement plausible et effective, cela suppose au moins 3 conditions. Premièrement, le contrat de performance doit être revu. Cette nouvelle orientation prend le contre-pied de celle existante. Elle invalide complètement l'architecture du contrat de performance, notamment son article 2. Nous attendons des élus du Haut-Copil qu'ils soient porteurs de cette exigence. Nous attendons. Deuxièmement, qu'une nouvelle feuille de route soit dictée au directeur en conformité avec cette nouvelle orientation, voire qu'il soit remplacé. En effet, jusqu'à ce jour, le directeur s'est employé à transformer le centre hospitalier de Remiremont en centre gériatrique en le détricotant pièce par pièce. Aussi, il revient au conseil de surveillance, notamment à son président, monsieur le maire de Remiremont, qui a un pouvoir de contrôle et peut opérer à tout moment les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, la responsabilité de procéder à l'inventaire de tous les dégâts, des actions toxiques pour l'hôpital de Remiremont que la direction a mise en œuvre depuis 2 ans. Fermeture de la cardio, fermeture de lits notamment en médecine. 20 devraient fermer en septembre. Division et restructuration par 2 des effectifs de néonatologie pédiatrie. Déplacement des cadres infirmiers et des infirmières sur Épinal, refus d'embauche. Les dégâts sont considérables et peuvent peut-être irréversibles. Pour longtemps, dans certains cas, pour ce qui constituait, puisqu'il y a peu, ce qui constituait jusqu'à il y a peu, un fleuron du service public hospitalier dans le département, notamment en chirurgie mammaire carcinologique. Nous sommes proches du point de rupture qui permettra de faire le constat qui s'imposera à tous. Les conditions ne sont plus réunies à Remiremont pour assurer l'accueil des patients dans de bonnes conditions de sécurité. 4 points d'exclamation. Conclusion, on ferme. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà comment on détruit le service public hospitalier. Service public hospitalier, je répète, service public hospitalier, en toutes lettres. C'est du grand art. Qu'il soit défini clairement quelles activités sont améliorées à Remiremont. On nous annonce que le directeur, d'ici la fin de l'année, trouvera les vacations, les compétences médicales nécessaires, infectiologie, neurologue, rhumatologue, dermatologue, interniste, spécialiste de la douleur, microbiologiste, kinésithérapeute, psychologue, professionnel formé à l'éducation thérapeutique, assistante sociale, protection sociale, solidarité, etc., pour que Remiremont devienne centre de compétences des maladies vectorielles à tiques. En termes plus clairs, une consultation spécialisée pour les personnes atteintes de la maladie de Lyme et dont la prise en charge est jugée complexe, soit un bureau et 2 chaises. À Ademat H, nous avons l'habitude des trompe-l'œil et des opérations diversion qui sont régulièrement conduites à chaque moment de tension. Les opérations de diversion, les trompe-l'œil. Par contre, il n'a rien dit par exemple sur l'urgence de rétablir un service de cardio, la pose des pacemakers, la nécessité d'avoir une consultation avancée 1 ou 2 journées par semaine en ophtalmologie avec opération de cataracte, ni en dermatologie pour ne citer que les besoins les plus criants. C'est à l'aune des réponses apportées à ces observations que nous apprécierons la sincérité du directeur de l'ARS. L'Agence régionale de santé. Nos actions de divers horizons ont permis un acquis important sur le papier. Il doit être sérieusement conforté pour être vraisemblable. Vigilance toute, écrit en majuscule et en grandes lettres, vigilance toute, surtout pendant l'été. Qu'on se dise. Tiens, puisque, Puisqu'on est dans la santé, Science et Vie, le dernier numéro qui vient de sortir récemment, la stimulation transcrânienne testée sur des prisonniers. Ah, en novembre 2017, nous vous révélions une nouvelle piste de recherche pour le monde, pour le moins troublante. La stimulation transcrânienne, une technique promettant de modifier par des courants électriques ou des champs magnétiques les capacités sensorielles, physiques, intellectuelles et donc, in fine, le comportement. Des recherches encore balbutiantes, certes, mais qui posaient d'ores et déjà des questions d'ordre éthique. Ces interrogations sont en train de se concrétiser alors que vient d'être publiée une étude testant l'efficacité de la stimulation électrique pour diminuer l'agressivité de prisonniers. 41 volontaires, résidents d'un centre pénitentiaire espagnol, ont ainsi répondu à un questionnaire évaluant leur niveau d'agressivité avant et après avoir reçu 3 sessions quotidiennes de stimulation au niveau du cortex préfrontal. Une aire cérébrale que de précédentes études avaient corrélée à l'agressivité et à la violence. Résultat, les prisonniers ayant reçu la stimulation réelle ont vu leur agressivité diminuer de manière plus importante que ceux ayant reçu la stimulation placebo. Si cet effet était à l'avenir confirmé, un débat sur les usages de cet étrange outil de manipulation mentale deviendrait des plus urgents. Ah oui, il y a 2 mots qui sont importants et inquiétants, c'est manipulation mentale. Alors, comme toutes les techniques médicales ou autres, il y a forcément du positif et forcément du négatif. Il faudra bien peser le pour et le contre avant d'utiliser plus ou moins massivement ces choses-là, parce qu'on pourrait aussi diminuer l'agressivité qui sait, des automobilistes, des électeurs, hein ? Eh ben oui, tiens, voilà. Autre chose, des députés alertent sur l'avenir incertain de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui a pourtant formé 150 000 personnes et reçu un actif sur 8 en 2018. Une tribune publiée dans Libération par Boris Vallot, député PS Nouvelle Gauche des Landes, Pierre Dharréville, des député groupe démocrate et républicaine des Bouches-du-Rhône, Caroline Fiat, députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, Gérard Cherpion, député Les Républicains des Vosges. Tribune, l'AFPA est en grand danger. Le 18 octobre dernier, la direction de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, c'est-à-dire l'AFPA, a annoncé un plan de restructuration comprenant 1541 suppressions d'emplois, 1541 suppressions d'emplois, et 38 fermetures de centres sur 222. 38 fermetures de centres sur 222. C'est dans un grand silence que les personnels se mobilisent depuis des mois pour attirer l'attention sur l'avenir de l'organisme. Le 27 juin dernier, le plan de réorganisation péniblement présenté était suspendu par le tribunal de Bobigny en raison de l'absence d'un plan de prévention des risques psychosociaux. Dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, entre guillemets, aucune place n'était faite au service public de la formation professionnelle qu'est l'AFPA pour relever les défis en question. Face aux interrogations, le gouvernement se contentait de vagues déclarations. Et pour cause, il se préparait à accompagner une nouvelle étape de son affaiblissement. Mais l'AFPA est un formidable outil. En 2018, 150 000 personnes y ont été formées et un actif sur 8 y a effectué un passage. Dans les 6 mois qui suivent leur sortie de formation, 66% des stagiaires trouvent un emploi. Ce sont des chiffres inégalés. Voilà, alors affaire à suivre. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de terre, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Enlevés aujourd'hui. Depuis vendredi dernier, tous ces enfants ont donc disparu, enlevés par les milices. Le père Blanchard a vu les corps mutilés de certains d'entre eux. Pour les autres, il n'a plus guère d'espoir. Et c'est pour ça que le père Blanchard... Ces images que j'avais tournées pour protéger racontaient maintenant une autre histoire. Celle d'un monstrueux fiasco. Celle de l'indifférence du monde face à l'assassinat de près d'un million de vies humaines. Intervenir. Après 3 mois d'inaction, elle lance l'opération Turquoise, dont le but officiel est de faire cesser les massacres. L'objectif de Turquoise est de débarquer à la frontière ouest du Rwanda, dans l'ex-Zaïre, pour se déployer progressivement vers l'intérieur du pays. La stratégie a été élaborée en collaboration avec un spécialiste de cette partie de l'Afrique, Gérard Prunier. Je me suis retrouvé au ministère de la Défense, devant une brochette de généraux, qui étaient en train de discuter la manière de faire les choses, et dont l'idée principale était qu'on allait atterrir à Goma, et que de Goma, on allait passer sur Rwenguéri, Gisenyi, par la route. Alors là, j'ai dit, écoutez, ça va très mal tourner. Je dis d'abord, le premier but de votre truc, c'est d'arriver à sauver les Tutsis. Il y a un problème, dans la région du Nord, les préfectures de Rwenguéri et de Gisenyi sont tous morts. Il n'y en a plus. Donc vous sauverez personne. Donc vos caméras de télévision braquées sur vos généreuses activités humanitaires vont tourner à vide. C'est-à-dire que vous, on vous demandait d'essayer de trouver un moyen de voir des Tutsis, de voir des Français sauver des Tutsis. Oui, oui. Bah, on me demandait d'optimiser l'opération, c'est-à-dire, en gros, c'était quoi l'opération optimum ? Sauver le maximum de victimes potentielles, dépenser le moins d'argent possible, faire apparaître le gouvernement français dans la meilleure lumière médiatique possible. Et cette dernière raison étant en fait la plus importante. Les services de communication de l'armée française peuvent être satisfaits. Les images de l'époque montrent les soldats français volant au secours du Rwanda. Mais il manque une information pour les lire convenablement. Comme l'avait prévenu Gérard Prunier, il n'y avait plus de Tutsis dans cette région du pays. Et c'était en grande partie ceux qui les avaient exterminés qui accueillaient les Français en libérateurs. Car Turquoise intervient au moment même où le régime rwandais, celui qui a commis le génocide, s'effondre face à l'offensive finale des troupes du Front patriotique rwandais. Les forces armées rwandaises et les milices du régime reçoivent alors l'ordre de se replier dans l'ex-Zaïre et d'entraîner dans leur débâcle l'ensemble de la population. Ceux qui refusent sont exécutés. La présence des militaires français sur le trajet même de ce gigantesque exode va alors permettre à l'ensemble de l'appareil génocidaire de fuir pour se reconstituer à l'extérieur du pays, dans les camps de réfugiés. Convaincu de la bonne foi du gouvernement français, Bernard Kouchner avait lui-même rencontré le chef militaire du Front patriotique, Paul Kagame, pour l'assurer que Turquoise n'était pas une nouvelle manœuvre pour soutenir le régime en pleine déroute. Tu savais pas que les génocidaires allaient traverser la zone contrôlée par les Français ? Non. Non, je savais pas, mais j'aurais pu m'en douter, ça, franchement. Mais t'as pensé quoi à ce moment-là ? Que c'était lourd à accepter, que c'était inacceptable. Mais que tu t'étais fait manipuler, ou ça juste, ou c'est perdre ses profits, ou... Je sais que quand on ne peut pas répondre à une question, on peut dire qu'elle est bonne. Si officiellement la France vient faire cesser les massacres et qu'elle ne désarme pas les gens qui ont commis le massacre lorsqu'ils sont en présence, éthiquement, est-ce que ça ne pose pas problème ? Vous savez, dans des circonstances difficiles comme ça, où on ne sait pas où sont les gens, qui font les gens, comment réagir le FPR, on est obligé de faire des choix. Et je pense que le choix... En l'occurrence, le FPR, vous n'aurez pas reproché d'avoir arrêté des génocidaires, je ne pense pas. Personne ne nous aurait reproché, mais on ne sait pas comment ça serait passé. Hein. Et les conséquences que ça aurait eu sur les troupes qu'on aurait mis pour faire ça, qui n'auraient pas été chercher d'autres réfugiés. On les laisse passer, avec armes et bagages. On ne vous demande pas de saisir les armes. Surtout pas. Ils passent. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est une stratégie voulue ? Comment vous le voyez ? Ça ne peut pas être inconscient. On n'a pas pu simplement organiser cette zone humanitaire sûre sans voir et comprendre qu'on était en train de protéger de fait le repli des génocidaires. L'examen des télégrammes diplomatiques rédigés à l'époque prouve que les autorités françaises étaient parfaitement informées de la présence des forces génocidaires dans la zone humanitaire contrôlée par l'armée française. Y compris des membres du GIR, le gouvernement intérimaire, celui formé 3 mois plus tôt à l'ambassade de France. Moi, dans la zone, en arrivant, le gouvernement intérimaire rwandais, il était globalement légitime. J'avais rien à voir avec lui, d'ailleurs. Je ne me suis pas occupé, moi, du gouvernement rwandais. Il était légitime. Personne n'avait dit, attention, ce gouvernement est génocidaire. Donc, Vas-y, beaucoup de gens l'avaient dit, mais ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas dit officiellement, c'est ça que vous dites. Juridiquement. Avant d'arrêter un homme politique ou des responsables politiques, quand on est des militaires, hein, on ne va pas faire ça n'importe comment. Il nous faut des ordres. Hein. Et en fonction de la loi, on n'a jamais reçu d'ordre par rapport à cela. J'en ai demandé en disant qu'est-ce qu'on fait. Et ils sont là, un des deux, et au niveau du gouvernement français, qui a demandé à l'ONU qu'est-ce qu'on fait. Pas de réponse de l'ONU. Vous auriez aimé recevoir cet ordre ? Complètement. On m'aurait dit arrêtez-les, je les arrêtais, il n'y a pas de problème. Hein. Le dernier acte du génocide se joue dans le gigantesque camp de réfugiés qui se situe juste après la frontière rwandaise à Goma, dans l'ex-Zaïre. Près d'1 million de personnes s'y entassent désormais, toutes populations confondues. Réfugiés, forces armées et miliciens en débandade, cadres du génocide. Alors que les militaires et les organisations humanitaires tentent de faire face à la terrible épidémie de choléra qui ravage le camp, les assassins vivent de l'aide internationale. Et ils n'ont pas renoncé. Désormais à l'abri à l'intérieur même du camp, les forces génocidaires se réorganisent. Et malgré l'embargo décrété par l'ONU, les livraisons d'armes et de munitions se poursuivent sur l'aéroport de Goma, à 2 pas du camp. Un aéroport sous contrôle de l'armée française. C'est pas dans votre mandat de contrôler ces avions, donc vous ne le faites pas. Nous utilisons l'aéroport de Goma, nous en assurons le fonctionnement aéronautique, mais la force turquoise n'est absolument pas responsable de l'action commerciale menée au profit du Zaïre ou d'autres sur l'aéroport de Goma. Ce sont effectivement d'autres circuits officieux qui assurent désormais ces livraisons d'armes, comme en atteste une série de documents. On y retrouve le nom du colonel Théoneste Bagosora, le plus haut responsable militaire des forces génocidaires. On y retrouve également celui de l'une des plus grandes banques françaises, la BNP, qui aurait autorisé certains transferts de fonds liés à ces ventes illégales. Apparaissent également les noms bien connus de spécialistes des coups tordus de la France-Afrique, comme Robert Bernard Martin, l'un des pseudonymes du mercenaire Bob Denard, ou encore de l'incontournable capitaine Baril, ex-gendarme proche de l'Élysée. Alors est-ce qu'il est possible qu'il y ait les livraisons, la France officielle interdit, enfin souscrit à l'embargo de l'ONU, c'est la moindre des choses, et que d'autres le fassent, mais en liaison avec des barbouzes, avec des services secrets français. Ce que vous dites là est possible. Mais vous excluez que ça ait pu se faire en lien avec une autorité politique française? De mon temps, j'exclus, mais je vois pas avec qui. Pas avec moi, ça je peux vous dire. Avec qui? Alors ça peut être, comment ils s'appelaient les gendarmes de l'Élysée là? Ça a été fait avec Laval, plus ou moins, de Mitterrand. Baril. Moi j'ai jamais rencontré Monsieur Baril. Nous n'avons jamais vraiment fait de réunion entre nous pour dire voilà quelles sont les intentions réelles des Français. Mais même si nous n'avions pas une compréhension explicite de ce qu'ils essayaient de faire, nous qui avions vu ce qui se passait, nous avons bien compris qu'ils essayaient de sauver le régime et le plus grand nombre possible de ses dirigeants avant que le nouveau régime prenne le pouvoir. Et à votre avis, quelles ont été les conséquences ? Désastreuse. Absolument désastreuse. Dès qu'ils ont pu se réfugier au Zaïre, ils sont retournés au Rwanda pour continuer à tuer les Tutsis. Je me souviens d'une conversation avec Paul Kagame où il me disait « Si vous, les États-Unis ou l'ONU, ne faites rien pour les empêcher de nuire, c'est moi qui vais m'en charger. » Et nous ne l'avons pas fait, alors c'est lui qui l'a fait. Et c'est comme ça qu'ont commencé les guerres du Congo, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Un génocide, c'est quelque chose qui ne finit jamais. On peut toujours se dire, « Oh, voilà ces pauvres Africains qui n'arrivent pas à vivre en paix. Regardez ces massacres interethniques. Nous n'avons rien à voir avec ça. On est désolés qu'ils s'entretuent, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Afrique. » Tant que nous penserons comme ça, il y aura encore beaucoup de malheur sur cette terre. Shut up.